Car ce nouveau Wake up. Where are you come from? Depuis le Piémont, les Pyrénées, le sud de la France, organisé un bâtiment techno sound like beautiful wood. About this year, yeah. Around this beautiful wood. About to make noise, about to make sound. Share it. On. Via. Jam Seche. Y'a le rouge dans la place. Occupant le terrain, mettant en place des actions, une caresse, un bisou. Eh oui, Excellent of the world, everybody. Dans la bergerie, entrée sans invitation. Forme de constantement, tu le sais, tu le sens, mais tu consens quand même. Tu le sais, tu le sens, mais tu consens quand même. Tu le sais, ça coûte, tu le sens. Tu le sens. j'ai envoyé ma puissance, mon énergie, parce que je pensais que j'avais une chance. Mais aujourd'hui, déçu, meurtri, j'ai pris des grosses baffes dans ma gueule. Mais j'ai compris. Je ferai pas les mêmes erreurs. J'ai compris. Je ferai pourtant les mêmes erreurs.